Je lance ? Mmh. Allez. Alors, il y a 24 thèmes qui ressortaient des fichiers sonores. Donc, le premier, c'est croissance et apprendre. Mmh. Fille, garçon. Mmh. Génération 2021-2022. Mmh. La famille. Mmh. La réputation. L'argent. L'école. Les amis. Les embrouilles. Les mamans. Les mauvaises fréquentations. La routine. Les premières fois, la crise, la dépression, les couples, la drogue, le harcèlement, les nudes, le téléphone, le suicide, la prostitution, l'injustice, les quartiers, la police et l'éducation. Voilà. C'est des pistes. J'ai oublié de quoi j'ai choisi. Le harcèlement, je crois, je vais prendre. En fait, c'est pas trop le harcèlement, mais plus sa maturité. Ouais. En général, quand une personne se fait harceler, il faut savoir que déjà, c'est répétitif, parce que sinon, ce n'est pas du harcèlement autrement. Et il faut que des phrases ou des paroles reviennent plusieurs fois, et il faut aussi que la personne soit touchée. Du coup, à partir de ce moment-là, c'est du harcèlement quand c'est répétitif et que la personne est touchée, même si ça se voit pas forcément. Ensuite, je comprends pas pourquoi il y a des gens aussi, ils laissent la personne dans son coin toute seule au lieu de l'aider. Et genre à la place, enfin, de nos jours, au lieu de l'aider les personnes, ils se moquent. Et du coup, bah, ça la fait que ça la dénigre encore plus. Ou que ça le dénigre encore plus et que bah, au final, la personne se rend mal et en général, elle tombe souvent en dépression. T'as déjà vu des choses comme ça se passer ? J'ai plutôt déjà vécu. Du coup, voilà, mais j'étais pas tombée en dépression. Du coup, t'étais de quel côté, toi ? J'étais plus pour... Enfin... Je sais que s'il y a une personne qui je vois actuellement qui est harcelée, je vais plus l'aider et essayer de raisonner les autres que la laisser dans son coin et avoir peur qu'au final, ça se retourne sur moi. Ça va ? Allez, on repart. Et quand tu l'as vécu, tu veux nous raconter un peu ce qui c'est des exemples ? Au début, ça avait commencé à l'école. Ah oui. Attends deux secondes. C'est parti. Ça avait commencé à l'école. Et au début, c'était juste à l'oral. C'était des mots grossiers ou bref, il n'y avait rien à voir avec le sujet même. Et c'était souvent des trucs répétitifs ou disons. Ou disons, c'était t'es idiote, t'es pas belle, genre des choses comme ça. Bah, après, je peux comprendre que aussi, ils n'avaient pas la maturité pour savoir ce que la personne en ressentait en face. Et que bah, c'est à partir de ce moment-là que la maturité se développe normalement. Donc, je sais pas trop en fait quoi alterner. C'était quel âge à peu près ? Je devais avoir 9 ans. Et j'allais sur mes 10. Et c'était plusieurs personnes ? Oui. C'était un groupe de... En fait, au début, ça a commencé par deux personnes. Après, ces deux personnes-là, elles ont arrêté. Ça a recommencé avec un groupe de trois ou quatre, je sais plus. Et après, ces personnes-là, elles ont arrêté. C'était en face à face. Oui. Il y a eu aussi une partie avec les réseaux, mais genre, c'était des personnes que je connaissais dans la vraie vie, justement. Du coup, bah, ça marchait pas vraiment. Ça commençait à l'oral par des insultes ou ça, par exemple. Après, ça a commencé sur les réseaux aussi, donc c'était les deux. Après, pendant une période, elle m'avait laissée tranquille et ça a commencé avec le physique. Genre, la première fois que ça avait commencé, c'était... en fait, elles avaient demandé à ma mère de sortir, que moi je sorte, puisque soi-disant, c'était mes amis. Et qu'en fait, bah, j'étais sortie et tout, parce que ma mère ne savait pas que c'était mes amis, mais j'étais quand même sortie parce que j'ai pas osé dire non, ce n'est pas mes amis. Et au final, elle commençait à me frapper et tout ça. Du coup, bah voilà. C'était des filles ? Oui. Et tu sais pourquoi elles en avaient contre toi ? Aucune idée. Et j'ai jamais su. Et comment ça s'est résolu, cette histoire ? En changeant de collège. Du coup, bah voilà. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens pour pas dans la situation que tu rencontres? D'aller voir une psychologue. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent en parler à la directrice ou à ses parents ou quelqu'un de confiance, ça ferait du bien. Sauf qu'en général, on a peur qu'en en parlant, que ça fasse pire par derrière. Du coup, je conseille d'aller voir une psychologue pour déjà évacuer tout ce qu'elle garde et tout ce qu'elle ne peut pas dire. Et vu que la psychologue, normalement, est faite pour ne pas dire les choses, elle réglera d'une autre manière avec les parents. Et les parents, ils pourront dire au principal, etc. Ok. Fille garçon. En plus, on en a un peu parlé tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi il y a un sport, on met tous, enfin on sépare les garçons et les filles, et par exemple les filles ça va être avec les filles et les garçons ça va être les garçons, mais un sport extérieur que au collège, au lycée, enfin tout ce qui a un rapport avec les cours. Enfin je sais qu'il y en a des sports où ils sont mixtes, mais il y en a très rares, enfin c'est très rare du moins d'en trouver aujourd'hui, et je comprends pas pourquoi de refaire ça, ce serait même plus amusant de faire les deux et que justement que les garçons et les filles apprennent à ne pas être sexistes parce que c'est plus comme ça. C'est quoi pour toi le sexisme? Le sexisme, c'est quand le fait de dénigrer une personne parce que elle n'est pas comme du même sexe que l'autre personne ou qu'elle n'a pas la même force ou etc. Enfin, ça dépend. T'as eu des exemples, toi? Je réfléchis. Ouais, contente. Hein. Qu'elles n'ont pas la même force pour se défendre en général. Enfin, d'ailleurs aussi. J'ai un autre sujet après. Que par exemple les filles elles ont moins de force que les garçons et en général les garçons ils en profitent parce qu'ils ont plus de force etc. Après ça dépend, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en général c'est très fréquent. Et le sujet du coup que j'avais trouvé aussi, c'est pourquoi à l'école au lieu de nous apprendre du sport qu'on sait déjà parce qu'on l'a fait plusieurs fois en primaire, ils nous apprennent pas des sports pour nous défendre, des sports de combat pour nous défendre au cas où. Alors ça serait très dommage. Et aussi qu'ils trouvent aussi d'autres techniques pour les alertes attentats, les alertes... C'est plus attentats, alerte feu, etc. Parce que... Oui, voilà. Aussi parce qu'on connaît tous la technique et que maintenant, s'il y a comment on peut appeler ça, un inconnu qui rentre et qui veut tuer des personnes, il connaît déjà ce qu'ils font, il se taise et voilà. D'accord. Et donc toi, tu voudrais qu'au collège, on t'apprenne autre chose que ce genre de choses-là? Oui, ça. Genre qu'on apprenne en fait plusieurs techniques comme ça au moins. Ah oui. Ça, c'est... En fait, on ne sait pas parce qu'elles seraient tellement mélangées les techniques, voilà. D'accord. Intéressant. T'imagines quoi comme autre technique, toi? Je sais pas trop, en fait, il y en a plusieurs. Par exemple, au lieu de se cacher directement sous les tables et ne pas faire de bruit, qu'on met tous les tables derrière une porte et que ensuite, si c'est à étage, mais pas un grand étage, genre 4e, 5e étage, qu'on mette tous les cartables en bas et que... après, il y a un risque quand même qu'on se fasse mal, mais il y a déjà plus de risques qu'on se sauve de là où il y a un intruseur, qu'on mette tous les cartables en bas et qu'on saute. Ou qu'on fasse, En fait, ils devraient mettre des... Enfin, dans les classes en hauteur, ils devraient mettre des échelles, comme ça, on puisse aller en bas. Et voilà. Ça, c'est des choses auxquelles t'as pensé déjà? Oui. À quel moment? Peut-être avant de m'endormir, je pense souvent. Ok. T'as déjà entendu des histoires avec des intrusions dans les collèges ou dans les choses comme ça? Une fois, pas plus.

Puis aussi qu'elle nous laisse, enfin il y en a, elle laisse beaucoup de liberté, il y en a, elles sont plus vraiment protection. Elle est comment la tienne ? La mienne, elle est liberté mais protection, c'est un peu des deux. Mais en vrai ça va, elle me laisse beaucoup de liberté je trouve, du moins vu que je suis grande un peu plus. Et que bah elle m'a prévenu toute mon enfance aussi des dangers que je pouvais avoir, même si des fois elle me refait des rappels. Par exemple sur des mauvaises fréquentations aussi sur les réseaux, que ce soit irréel ou des choses comme ça. Parce qu'il y a pas longtemps, je lui ai dit que j'avais un ami qui était qui venait d'être majeur et que bah, je parlais avec lui et elle a commencé à s'inquiéter et à me refaire la morale sur les fréquentations, sauf que je sais à qui... Enfin, je sais que la mentalité des gens qui voudront plus vouloir du mal que du bien à la personne, justement. Genre, par exemple, il y en a... je suis déjà tombée sur des cas où... la personne, elle profitait juste de ma naïveté vu que j'étais enfant et que bah, elle pensait que je n'étais pas en mesure de comprendre que bah, je voulais pas être qu'amie ou genre faire des choses par erreur ou je sais pas trop ça. Du coup, bah, cette personne, je pensais direct la bloquer parce que déjà ma mère me fait souvent des rappels sur ça et que aussi, bah, c'est quand même un majeur. Enfin, après, il y a des majeurs aussi, ils sont pas comme ça, mais il y en a de plus en plus qui deviennent comme ça et qui profitent de la naïveté des jeunes personnes, justement. Du coup, bah, je trouve ça dommage parce que du coup, après, ça fait que beaucoup de gens s'inquiètent sur la mentalité d'aujourd'hui, que de nos générations, en fait, la mentalité change et elle devient de plus en pire, enfin, du moins pour mon avis. Tu penses que aujourd'hui on abuse plus des autres ou des... Oui. On abuse plus de leur gentillesse, leur amabilité, et tout ce qui est comme ça. Et donc cette personne de 18 ans là, qu'est-ce qui s'est passé alors ? J'ai fini par la bloquer. Enfin quand j'ai su que, enfin quand j'ai un peu plus compris qui il était, j'ai fini par le bloquer. Et donc tu dirais lui qu'il voulait, il voulait quoi ? Profiter de la naïveté des jeunes pour pouvoir faire des choses avec, ou du moins, je sais pas, peut-être un pédophile. Donc c'est plutôt sexuel alors ? Oui et non. Il y avait aussi quelqu'un d'autre, mais il était plus grand que... Enfin, j'ai appris plus tard qu'il était plus grand que son âge, qu'il avait pas 19 ans, mais qu'il avait plus 35 ans. Et enfin, de base, je parlais pas vraiment avec lui parce que c'était bizarre, je trouvais. Mais en fait, j'ai appris qu'il voulait juste avoir le snap de ma mère. C'était avoir quoi ? Le snap de ma mère. C'était drôle, mais d'un côté, c'était vraiment creepy. Du coup, voilà. Donc, il te parlait à toi pour pouvoir avoir des infos sur ta mère ? Oui. Pour que tout le monde il aurait eu mon adresse. Et donc les réseaux, alors toi, tu m'expliquais que tu avais fait une pause, tu veux bien nous raconter un petit peu pourquoi ? Avant, je voulais devenir, enfin, du moins vu que j'étais petite, je comprenais pas encore les dangers des réseaux, ou du moins je les comprenais mais je les ignorais, et tout ce que je voulais c'est être connue, pour zéro raison, mais je voulais être connue, et en fait j'ai découvert qu'au fil du temps, en devenant un peu plus connue puisque j'avais réussi pendant un moment, ça apportait pas que du positif et ça apportait aussi beaucoup de négatif, mais il fallait ignorer le négatif aussi. Mais du coup, c'est un peu plus compliqué d'ignorer ça alors que ça fait vraiment un changement dans ta vie. Alors, c'était quoi le négatif par exemple ? Le fait que tu peux avoir des critiques, que ça peut être méchant, tout ça, des fois ça peut être positif, que les gens sont toujours là à critiquer aussi, enfin, pas toujours, mais la plupart du moins. Je repars. Tu faisais quoi toi sur les réseaux ? C'était comment tu faisais des vidéos, des photos ? De tout. J'étais en compte public la plupart du temps. Et il y a un moment où j'ai commencé à remédier à tout ça parce que je pense que j'avais plus grandi niveau mentalité et je sais pas. Et j'ai repensé à toutes les choses négatives et toutes les choses positives. J'en ai même fait une liste pour voir ce qui était le plus. il y avait plus de négatifs que de positifs. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai enlevé tout le monde de mes réseaux, que je suis passée compte privé de partout et que je n'ai plus recommencé à vouloir être connue comme avant. Et... Attends, je mets en pause, monsieur, ou pas ? Oui. Ouais. Tu m'as dit que tu avais une forme d'anxiété sociale, c'est ça ? Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est lié à ça, aux réseaux sociaux, ou pas du tout ? Ça peut être aussi... Oui, beaucoup. Mais ça peut être aussi irréel, du sens, la mentalité des gens, ce qu'ils pensent. Et ça... Enfin, en général, ça... l'anxiété sociale, c'est plus irréel que dans le virtuel. Dans le virtuel, tu auras moins de peur comparé au réel, au irréel. Tu auras un peu plus peur, en fait, justement. Et si t'es devenu comme ça, c'est plus par les... Parce que les gens, c'est pas les mêmes que irréel dans le virtuel. Les gens, les remarques que tu avais et tout ça, en réalité, c'était pas les mêmes que sur les réseaux ? Non. Les gens, par exemple, irréel sur les réseaux, ils vont avoir une image... Enfin... Je sais pas comment on peut dire ça. S'ils sortent, ils vont pas commencer à juger tout le monde ou... parce qu'ils auront peur, justement. Il y aura toujours une peur de juger quelqu'un face, enfin, d'être franche. Et que la personne se blesse ou autre chose comme ça, ou qu'elle appelle ses frères, ou voilà. Alors que sur les réseaux, vu que c'est derrière un écran, les gens ils peuvent se permettre de juger tout le monde. Et d'ailleurs, c'est en entendant des choses comme ça que tu peux avoir de l'anxiété sociale. Après, ça peut être aussi irréel par rapport à parce que plus tard, avant, t'as eu du harcèlement ou t'envie ou t'as eu des critiques encore ou des choses comme ça. Du coup, voilà. Et en général, quand ça. Enfin, ce que ça fait, les symptômes. Oui, si, les symptômes, on peut appeler ça comme ça. C'est quand t'as peur de sortir et que t'as peur de la pensée des autres. Genre, vu que t'es pas dans leur tête. Quand tu sors, la première chose que tu dis, genre quand tu vois une personne, c'est elle pense à quoi ? Est-ce qu'elle me regarde physiquement ? Est-ce que... si la personne te connaît un peu plus, est-ce qu'elle me trouve idiote ou des choses comme ça ? Enfin, savoir ce qu'il pense et du coup, en général, ça fait une grosse stress. Ça fait que tu arrives plus à communiquer avec les gens normalement parce que tu as peur que la personne te juge sur une petite chose ou plusieurs. Et c'est pour ça que tu voulais plus aller en cours ? Oui, aussi. Okay. Je pense la première fois. Ah. En général, quand une personne a fait sa première fois, elle raconte souvent à ses amis. Enfin, après, ça dépend si la personne ne veut pas en parler ou pas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent à leurs amis, etc. Et en général, ça peut... ça peut transmettre que cette personne a fait ça et ça part dans tout l'établissement. Alors que la personne, ça se trouve, elle la connaît pas. Et en général, ça crée des réputations alors que c'est une chose que tout le monde va faire et au moins une fois dans sa vie et que... qui est normal parce que voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'âge, il y a des gens qui commencent à faire des réputations en disant « Ah, elle a fait ça à 13 ans » ou des choses comme ça. Et genre, les gens, ils se permettent de critiquer alors qu'ils connaissent pas la personne. Et ça se trouve que la personne avec qui elle a fait ça, c'était une personne de confiance ou des choses comme ça. Ils se permettent de critiquer. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, je crois. Et la réputation, ça fait quoi alors, du coup ? La réputation, ça fait que la personne, elle peut se sentir mal et avoir le regret d'avoir fait ça. Après, en général, ça passe au fil des années, je pense, au niveau de l'âge, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent la réputation pour contre les personnes ? Pourquoi ? Contre les personnes. Contre les personnes. Pour un peu abuser, justement, comme on disait tout à l'heure. Pour le harcèlement, je pense, oui, c'est une bonne raison de harceler. Enfin, pas une bonne raison d'harceler, mais du sens... Si j'aurais été une harceleuse, du moins, je m'utiliserais ça pour rabaisser la personne, tu vois. Mais je vais pas le faire parce que ça se fait pas. Ok, super.